Podcast, l'attention, monnaie d'échange du marketing moderne. Dobytorpt, musique d'introduction sobre, piano et son d'ambiance urbaine. Animateur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Stratégique. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une ressource devenue plus précieuse que l'or, l'attention. Un bien si rare que même les géants du numérique s'y arrachent, mais comment, en tant que professionnel, transformer ce défi en opportunité. C'est ce que nous allons explorer à travers une étude de cas concrète, celle de l'application des principes d'attention dans les médias. Imaginez un instant, dans un monde où le temps de cerveau disponible se raréfie, où les notifications pullulent et où l'information circule à la vitesse de la lumière. Comment capter, retenir et surtout convertir cette attention fugace en engagement durable ? C'est la question que posait déjà, en 2012, le sociologue Dominique Boulier. Pour lui, l'attention n'est pas un simple clic. Elle est un phénomène complexe, à la fois éphémère et ancré dans nos habitudes, nos héritages et notre environnement immédiat. Deux dimensions s'imposent alors. L'intensité, cette étincelle qui capte le regard en une fraction de seconde, et la durée, cette immersion qui transforme un spectateur en fidèle. Prenons l'exemple du cinéma. Dans une salle obscure, le format même, l'écran géant, le son enveloppant, crée une bulle d'attention rare. Le public, captif, s'immerge dans l'histoire. À l'inverse, la télévision, souvent consommée en multitâche, exige des stimuli plus agressifs pour retenir l'audience. Ici, le défi est double, ne pas être ignoré et ne pas être oublié. Les stratégies gagnantes, celles qui fonctionnent, sont celles qui savent jouer sur ces deux leviers. Prenez les séries à succès, elles misent sur une narration immersive où chaque épisode renforce l'attachement du spectateur. Ou encore les jeux vidéo où l'alerte du gameplay se mêle à la fidélisation d'une expérience narrative riche. Mais attention, et c'est là que le bât blesse, les indicateurs traditionnels, comme l'audience ou les clics, ne suffisent plus. Ils ne mesurent pas la qualité de l'attention, seulement sa quantité. Alors, comment faire ? Les experts s'orientent aujourd'hui vers des données plus subtiles, le temps passé sur une page, les interactions qualitatives, voire même les réactions biométriques. Car une attention captée n'est pas une attention retenue, et une attention retenue n'est pas une attention convertie. Alors, que retenir de tout cela ? D'abord, que l'attention ne se commande pas. Elle se mérite, elle se cultive, elle se nourrit d'expériences mémorables, de formats adaptés et d'une compréhension fine de son public. Ensuite, qu'elle est un phénomène social avant d'être un phénomène individuel. Nos choix sont influencés par notre entourage, nos habitudes et même nos hésitations. En conclusion, chers professionnels, l'attention n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Une opportunité de repenser vos stratégies, d'innover dans vos formats et de créer des liens plus profonds avec votre audience. Alors, la prochaine fois que vous lancerez une campagne, demandez-vous, est-ce que mon message mérite vraiment l'attention que je lui demande ? Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce sujet vous a inspiré, n'hésitez